mon life. Une semaine au taf à faire des plans pour tout plaquer. Des collègues qui passent leur temps à se plaindre ou à jacter. Sur le trajet, j'ai les mêmes têtes blasées, plus la névrose. La même chose tous les jours, les minutes durent des heures entre les pauses. Des doses de plus en plus chargées, les traits marqués. Des bars, des boîtes, des squares, des parcs, des soirées ratées. En cours, t'apprends tes nouveaux textes par cœur. La peur au ventre, entre avec un sale bulletin, passe un sale quart d'heure. Un bout de marqueur, une bouteille vide, des vapeurs toxiques. Les jolies filles sortent qu'avec des pauvres types. Alors tu penses à des meufs moches pour t'exciter. Rêve limité, les chansons de merde passent. Que tu finis par les kiffer. Des projets, des idées, mais rien de concret. Envie de laisser tomber, de plonger, de sombrer. C'est roller skate, BMX, APL, ACD, KRMX, No Life Remix. Pour les gens déçus, les anges gris. On se comprend du futur quand on comprend pas le présent. C'est pour les gens différents, les feignants, les déviants. C'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus stressant. Pour les névrotiques, les alcooliques, les boulimiques. Est-ce qu'on s'en prend du futur quand on comprend pas le présent. C'est pour les gens différents, les déviants, les feignants. On sait même pas ce qu'on cherche vraiment. Se donner le rose court circuit. Quand celle fait vent, rime avec courir vite. Du taf, ça fait longtemps que t'en cherches plus. Y'a le temps qui nous tue, la bouteille chaque jour change de puce. Funeste écriture, bain de sang sur du papyrus. C'est l'euro qui tient ce monde, elle s'accroche au plus gros palus. Un carte CRS, un barrage, tu stresses. T'as une fiche de recherche, tu descends de la cesse. Bien sûr, nique sa mère, la mission locale. Cannibale sur le terre-terre, c'est ton frère qui t'appelle local. No life, y'a de quoi péter un câble. Y'a que des mythomanes, paname, c'est la mort d'avoir le nez dans la cave. Quand j'ai mal aux dents, je confonds le dentiste et le henout. RMIS dans la jungle, qui tient le flingue, c'est même qui mon life. Chez nous, savoir que la poisse, d'avoir de l'espoir. Pareil gangster, si tu dépasses 30 piges, c'est un exploit. No life, chez nous trop de paranoïa. Insomniaque, malade, la salade fait tourner l'amnésia. Est-ce qu'on s'en prend du futur quand on comprend pas le présent. C'est pour nous pisse la pays, les bousiers du pilon. C'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus stressant. Pour Berise, les arrivants, rifleux, ces environs. Est-ce qu'on s'en prend du futur quand on comprend pas le présent. C'est pour les palapré aux dents pourries, génération RMI. On sait même pas ce qu'on cherche vraiment. C'est pour septième magnitude, RSC verbal brolique. Non, là, il faut pas ne plus aller chez sans se faire whizzer. On croit que c'est sur MySpace qu'on a croqué comme F-Wizzy. Les yeux rouges éclatés par la résine. C'est défoncé à 4h du mat que je t'ai écrit ce remix. Te branler sur YouPorn est devenu une sale habitude. Mec, t'es perdu comme un iPhone sans iTunes. Ma génération part en couille, les vieux disent que c'est le drame. Viens qu'on monte à Amsterdam pour pêcher aux quelques grammes. On t'a dit paradis fiscal, t'as cru que c'était pépère. Toujours les mêmes cachettes, les pochons, même mal viscères. T'as que des numéros et même pas taf. Même pas sur World of Warcraft, mais tu kiffes ta vie de no life. Trop de pigeons qui se trouvent stylés de tirer des lignes. T'es pas Escobar et Luxembourg, c'est pas Medellin. Pour sortir de ce monde de no life, il est trop tard. Faut que je sale date pour pas faire de cauchemars. On s'en prend du futur quand on comprend pas le présent. C'est pour les déglinguer de la PSP. C'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus stressant. Accro à la PSP. On s'en prend du futur quand on comprend pas le présent. Les accros du gang un peu tard leur in flow. On sait même pas ce qu'on cherche vraiment. Les déglingués du micro qui dorment pas avant qu'un gramme de pilon. No life frère. Luxembourg, Paris. Ok.